السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 16 شعبان 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 28 juillet 2010 بإذن الله سبحانه وتعالى. Nous sommes inshallah ta'ala au troisième cours des assises du mois de Ramadan. Le prochain cours, inshallah ta'ala, sera yani, spécialement sur yani, ce qu'il y a de plus important pendant le Ramadan, c'est-à-dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Non, ce qui fait annuler le jeûne, ce qui ne le fait pas annuler, comme ça. Donc on avait commencé à parler sur yani, l'adab. Disons, non, adab siyam l'wajiba. On était en train de parler sur des règles obligatoires hein, qu'on doit observer pendant le siyam. On avait dit que la première des choses, c'était quoi? C'était la salat. La salat. C'est-à-dire la salat à l'heure. La salat avec ce qu'elle comporte comme condition, hein, comme obligation et comme sunan. Et comme sunan aussi. Et on avait dit que celui qui ne priait pas, vraiment celui-là, il est vraiment loin, il est vraiment loin. Et pour la plupart des savants, pour la plupart, les contemporains, surtout les contemporains, pour la plupart des contemporains, il n'a pas de siyam. Il n'a pas de siyam, car pour eux, ils sont de l'avis que celui qui ne fait pas la prière est kafir. Non. Mais comme j'ai dit la fois passée, non, si maintenant, yani, quelqu'un ne veut absolument pas faire la prière. Non. Il sait qu'elle est obligatoire, etc. Mais, comme la plupart des gens, il veut commencer, Inch'Allah, Inch'Allah, et ça traîne. Non. Et que il a commencé à jeûner, je ne conseille à personne, non, de lui dire d'arrêter le jeûne. Car, premièrement, on ne sait jamais. Peut-être qu'en jeûnant, yani, sa foi va augmenter et qu'il va commencer la prière. Et deuxièmement, il y a l'avis qui dit qu'il n'est pas kafir. Non. Et troisièmement, Allah Ta'ala dit dans le Coran, celui qui fait un atome de bien, il le verra. Celui qui fait un atome de mal, il le verra. Donc celui-là, il a fait un atome de bien en jeûnant. Non. Certes, on doit lui dire quelle est l'importance de la salat. Et non, ce que vaut un siyam sans salat aussi. Mais au point de lui dire, il vaut mieux ne pas jeûner et t'arrêter. Hein, ça, il faut dire, yani, si c'est un grand savant qui le dit, d'accord. Mais yani, quelqu'un comme nous, qui va yani, arrêter le jeûne de quelqu'un, moi personnellement, je ne suis pas prêt à le faire. Non. Tayyib. Wa min al-adab al-wajiba. Ça rentre aussi dans les bonnes manières et dans le comportement qu'on doit avoir pendant le Ramadan. An yajtaniba as-sa'imu jami'a ma harrama Allah wa rasuluhu min aqwal wa af'al. Ça rentre dans la bonne manière et la bonne règle et les obligations du Ramadan que le jeûneur s'éloigne de tout ce que a interdit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Que ça soit des choses verbales qui se disent, ou bien des choses qui se font. Par exemple, Il doit, par exemple, hein, s'éloigner et délaisser le mensonge. S'éloigner du mensonge et le délaisser. C'est quoi le mensonge? C'est le fait d'informer de ce qui est contraire à la réalité. C'est ça, le mensonge, en arabe. C'est-à-dire quand tu dis par exemple qu'il pleut alors qu'il ne pleut pas. En arabe, tu as menti. Quand on va dire quelqu'un, mais yani, je n'ai pas fait exprès, je croyais qu'il pleuvait, on va te dire là, tu n'auras pas de péché. Tu n'auras pas de péché, c'est tout. Mais si tu fais exprès, tu as des péchés. Mais le fait d'informer d'une chose, yani, contrairement à la réalité de cette chose, ça s'appelle mensonge en arabe, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend si on va avoir des péchés ou pas, cela dépend de l'intention. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas l'arabe, peut-être ils vont s'étonner lorsqu'ils lisent certains hadiths, ou par exemple, Aïcha radiallahu ta'ala, par exemple, elle dit à Anas, tu as menti, kadabta, naam. Et où les sahabas se disent aussi à eux, kadabta, tu as menti comme ça, naam. Tout cela, il faut le prendre dans le sens de, tu as dit ce qui est contraire à la réalité. Naam. Et le plus grand mensonge, c'est quoi? Wa a'zamu al-kadhibu 'ala Allah wa rasulih. Le plus grand mensonge, c'est de mentir sur Allah azawajal et mentir sur son prophète alayhi salam. Ka'an yansuba ila Allah wa ila rasulih tahlila haramin aw tahrima halalin bila 'ilm. Comme s'il dit que, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré telle chose. Allah ta'ala a dit que telle chose, ou là son messager alayhi sallam a dit que telle chose est halal, alors qu'en fait elle est haram. Ou bien le contraire. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien son messager alayhi sallam, ont interdit nam, cette chose, alors que elle est halal. Alors que elle est halal. Et pourquoi il dit tout ça? Bila'in, sans science, se basant sur ses passions, se basant sur ses tentations, se basant sur les hadiths faibles sur lesquels il s'est basé. Il n'a pas de règles, il n'a pas l'arabe, il n'a rien. Et il commence comme ça à ouvrir des livres et donner des fatwas. Ou bien aller dans des forums comme ça, lire ce qu'a dit celui-là, ce qu'a dit l'autre, et il dit donc, telle chose est haram, telle chose est halal. Wa fi sahihain wa ghayrihima min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Quiconque, le prophète alayhi wa sallam a dit, quiconque a menti sur moi muta'ammidan, yani intentionnellement, exprès, sciemment, il ne s'est pas trompé, non, il l'a fait exprès. Celui-là, qu'il prépare alors, maq'adahu minan-nar, yani sa place en enfer, sa place où il va s'asseoir. Qu'il prépare alors, si je puis dire, yani sa chaise ou là, en enfer, yani sa place qui l'attend. Wa haddara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min al-kadhib. Et le prophète alayhi sallam a bien mis en garde contre le mensonge, lorsqu'il a dit iyyakum al-kadhib, attention au mensonge, fa inna al-kadhib yahdi lil-fujur, alors le mensonge mène à la perversité, wa inna al-fujur yahdi lil-nar, la perversité mène au feu, à l'enfer. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba muttafaq 'alayh. Et la personne n'arrête pas de mentir et de vouloir mentir jusqu'à ce qu'elle soit écrite chez Allah subhanahu wa ta'ala comme un menteur. Quand quelqu'un est écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un menteur, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est vraiment quelque chose de grave. Voilà. Que doit délaisser aussi le jeûneur? Il doit délaisser aussi le riba. Il doit délaisser aussi le riba. Et le riba, vous connaissez ce que c'est. Le fait de parler sur quelqu'un qui est absent en mal, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et en français, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, ça s'appelle la médisance. Si je ne me trompe pas, si je me suis trompé, reprenez-moi. وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. C'est quoi le riba? C'est le fait de parler sur ton frère, bien sûr ta soeur aussi, en des choses qu'il n'aime pas pendant son absence. Pendant son absence. Donc, si on suit bien ce hadith qui a dit que le riba, la médisance, c'est le fait de parler sur ton frère. Sur ton frère. Ce n'est pas la calomnie, musulman. Non, la calomnie, c'est le qadf. La calomnie, tu dis que telle personne a fait la zina, etc. Non. Donc, la médisance, c'est quoi? Le fait de parler sur ton frère ou bien ta soeur, sur des choses qu'il n'aime pas, en étant absent. Donc, on va comprendre de ce hadith que si je parle sur mon frère, en étant absent sur des choses qu'il aime, ça n'est pas de la médisance. Vous comprenez? Si je parle d'une personne absente, mais je parle d'elle en bien, et je dis, Ahsabuha kadhalik, walau zaki Allah ahadan. Dans ce cas, ce n'est pas de la médisance. Car la médisance, c'est de parler en personne, de la personne en mal. Et deuxième chose aussi, vous remarquez, il a dit en son absence. Qui veut dire une seconde. Deuxièmement, ça veut dire aussi que si je parle de quelqu'un en mal et qu'il est présent et qu'il entend ce que je dis, ça ne rentre pas dans la médisance. Non, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans yani, ailleurs pour. Comme on dit en arabe, par exemple. Mais je n'ai pas médit. Pourquoi? Car il était présent et il a entendu ce que j'ai dit. S'il avait quelque chose alors à dire, alors qu'il se défendait, qu'il se défende. Pourquoi il s'est tué? Non. Il a dit. Donc la médisance, c'est de parler sur ton frère ou ta soeur qui est absent ou absente en des choses qui ne lui plaisent pas. Il a dit. سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى il a dit soit que tu parles sur cette personne absente en des choses non, qui font partie disons de son corps non. Attendez une seconde خلقته yani tu parles de choses qui ne lui plaisent pas. Alors que ces choses-là, nam, sont venues, nam, yani, qui ne sont pas de son caractère, mais des choses qui sont venues, par exemple, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait, par exemple, qu'il soit borgne, ou aveugle, ou par exemple, le fait qu'il boite. Nam, arja, il a un pied, par exemple, qui est, par exemple, tordu. Quand il marche, il boite. Si tu parles de lui en ces choses-là, mais en voulant quoi? En voulant critiquer. Ce n'est pas en voulant montrer la personne. Non, c'est pas en voulant la désigner. Tu es en train de parler de quelqu'un absent et les gens n'ont pas compris. Tu lui dis, je te parle de X. Il dit, j'arrive pas à comprendre qui c'est celui-là. Je vois pas qui c'est. Tu lui dis, celui qui boite, celui qui, lorsqu'il marche, il boite. Celui qui est borgne, il n'a pas reconnu celui qui est borgne. Et puis s'il est là, ah, il va dire, naam, j'ai reconnu maintenant. Là, tu voulais pas critiquer, tu voulais désigner. Dans ce cas, ça rentre pas dans quoi? Ça rentre pas dans la médisance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans un hadith authentique, quand il parlait d'une personne, naam, elle avait les mains longues, plus longues que les personnes normales. Et il l'appelait Douliedain, c'est-à-dire celui qui a les deux mains longues. Dans ce cas, ça ne rentre pas dans la médisance, c'est juste pour désigner. C'est juste pour désigner. Il y a même, par exemple, quelqu'un de très connu, qui s'appelait l'Hour. Non, l'Hour, c'est le borgne. Et il y a aussi un sahabi, un compagnon très, très connu. On l'appelait par un défaut qu'il avait, mais c'était juste pour le désigner. Maintenant, ce compagnon-là, ce bébé, ne me vient pas ni à l'esprit. Attendez, c'est qui? Ah, non, il y a aussi le tabi'i, l'A'raj. L'A'raj, très connu. C'est-à-dire le boiteux. Qui? L'A'mash. Non, l'A'mash, barakallahu fik. Je cherchais aussi celui-là. L'A'mash, c'est un grand tabi'i. Non. L'A'mash, en français, ça veut dire celui qui a, yani, des choses dans les yeux. C'est quoi les choses dans les yeux? Dans les yeux. Quand on se réveille le matin, on a des choses dans les yeux. Des choses comme ça, yani, on doit les laver pour que ça parte. Ça s'appelle en arabe l'amash. Ah, celui-là, on avait beaucoup. On disait de lui l'amash. Hein? Des choses qui lorsqu'on se lève le matin, on trouve dans les yeux qui nous. Qui, yani, c'est difficile pour qu'on ouvre les yeux. Pourquoi elles sont. Yani, les yeux collent, veulent rester fermés à cause de cette matière-là qui s'appelle. Donc, soit tu parles de lui, même des choses qui sont dans son corps, comme le fait d'être borgne, le fait d'être boiteux, le fait d'être aveugle, mais en voulant le critiquer, ou bien soit tu parles de lui, ça rentre aussi dans la médisance, soit tu parles de lui en étant absent, en parlant de quelque chose qu'il a dans le caractère. En disant par exemple l'ahmak, l'idiot, le saphir, le sot, le fasiq, le pervers, et comme ça. Sawa'un kana fihi ma taqul am lam yakun. Soit les choses que tu viens de dire, yani, existent en lui ou bien n'existent pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question, c'est quoi le riba, c'est quoi la médisance, il a dit, il a dit, c'est le fait que tu parles de ton frère absent, en des choses qu'il n'aime pas. On lui a dit, on lui a dit, si mon frère sur lequel je suis en train de parler a la chose, a le défaut. Il a dit, s'il a le défaut et tu as parlé de lui, donc tu as médit de lui. Et s'il n'a pas ce défaut, alors là, vraiment, yani, tu l'as accusé, tu l'as calomnié, tu as fait quelque chose de grave à un musulman. Non. Voilà, Allah azzawajal an al-ghiba fil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, a interdit la médisance, yani, dans le Coran. C'est-à-dire, il y a un verset pour son interdiction et il a fait ressembler celui qui fait la médisance à quelqu'un qui mangeait la viande de son frère morte. Et la viande ici, ça veut dire la chair. La chair de son frère, son frère, non, qui est mort. Imagine, est-ce que tu accepterais de manger la chair d'un être humain, d'un musulman, si yani, tu avais faim et on te servait comme plat, hein, des côtelettes de quelqu'un. Les côtelettes, hein, d'un homme ou de ton frère, que ce soit ton frère dans la religion ou ton vrai frère. On te sert ces côtelettes, subhanallah al-azim, ou là, son foie, ou là, hein, il a dit mort. Hein. Ce n'est pas possible. Et le verset c'est وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا Maitan fakaritum, al-hujurat 12. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, il est passé, il a vu beaucoup de choses pendant l'ascension. Entre autres, il est passé devant des gens, des groupes de gens, qui avaient quoi? Qui avaient des ongles, nam, min nuhas, des ongles en cuivre. Imaginez des ongles, nam, qui sont longs et qui sont en même temps en cuivre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là étaient en train de se gripper le visage avec. Imaginez, Quand on se griffe le visage avec des ongles longs et en même temps en cuivre. Naam, qu'est-ce que ça donne comme plaie, comme sang, comme yani afrosité. Al-Muhim, il a demandé à Jibril alayhi salam. Il lui a dit, Men ha'oulaya Jibril? C'est qui ceux-là? Naam, pourquoi ils ont des longues, des ongles pareils? Pourquoi ils se griffent? Il a dit, Ha'oulaya alladhina ya'kuluna luhum an-nasi ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود حديث صحيح. Il a dit ceux-là, ce sont les gens qui parlent, non? Qui parlent des gens qui sont absents en mal, et qui bien sûr disent qu'il y a des calomnies aussi, des calomnies aussi, non? Et ce que le jeûneur doit aussi éviter, il doit éviter la namima, namima, la namima. وهي سكوا هي نقل كلام شخص في شخص إليه يفسد بينهما la namima c'est le fait de colporter نعم colporter les informations نعم d'une personne à l'autre pour pourquoi pour يعني enlever les liens qu'il y a entre les deux personnes pour semer l'adversité entre les deux personnes c'est-à-dire pour que vous compreniez je vais à une personne qui s'appelle X et je lui dis que Y, qui connaît bien et qui est un ami à lui, Y ne parle de toi que de mal. Y te déteste. Y te veut du mal. Y, yani, t'injurie. Et comme ça, pour que celui-là déteste l'autre et qu'il y ait l'adversité entre semer la discorde. Nan. Et peut-être aussi aller à l'autre ensuite et lui dire voilà ce que dit X de toi et comme ça. Et bien sûr, ce genre de personnes, il y en a beaucoup, l'ayyadu billah. Ça existe beaucoup chez les hommes. Je ne sais pas, sûrement que c'est chez les sœurs aussi ou peut-être plus chez les femmes. Je ne dis pas les sœurs, les femmes. Non, ça existe chez les hommes, ça existe chez les femmes. Ce sont les gens qui ont des cœurs. Les cœurs vides. Vraiment, il n'y a pas de foi. S'il y en a, c'est vraiment très faible. Et j'en ai un qui, yani, du matin au soir, ne pense qu'à cette dunya et qu'aux choses qui ne sont pas bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, car le fait de colporter les informations, les mauvaises, pour semer la discorde, ça rentre dans les grands péchés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, La yadkhulu al-jannata namam. Nam. Ne rentrera pas au paradis le namam. Celui qui fait ces choses-là. Ne rentrera pas au paradis le namam. Namam, c'est celui qui, comme j'ai dit, yani colporte nam, les informations. Wa fi sahihayn. Et dans Sahih Bukhari ou Muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes. Deux tombes. Non. Il a dit, Innahuma la yu'adhaban. Il a dit, ces deux gens, ces deux hommes, ces deux personnes qui sont dans les tombes, sont en train d'être châtiés. Wa ma yu'adhaban fi kabir. Il a dit, et pourtant, ils ne sont pas en train d'être châtiés et punis pour une chose vraiment grande et difficile. Amma hadouma, quant à l'un des deux, quant à l'un d'eux, non, quant à l'un d'eux, qu'est-ce qu'il a? Amma hadouma, fekana la yastanziru min al-bawl. Quant à l'un des deux, il ne se nettoyait pas après avoir uriné. Il ne se nettoyait pas après avoir uriné. Wa amma al-akhar, fekana yamshi bin namima. Quant au deuxième, il faisait quoi? Il colportait l'âme des mauvaises informations et semait la discorde entre les gens. Hadith Sahih. Allah subhanahu wa ta'ala a cité un verset aussi. En ce qui concerne cette mauvaise chose, il a dit ce mauvais comportement. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ Al-Qalam 10-11. Naam. Ensuite, Cheikh Rahimahullah dit فَمَنْ نَمَّ إِلَيْكَ نَمَّ فِيكَ فَحْذَرُهُ Il a dit la personne qui vient et qui te rapporte des informations pareilles pour semer l'adversité entre toi et une autre personne. Sache que, comme elle t'a apporté des informations, n'oublie pas aussi qu'elle peut apporter des informations contre toi. Nam. Donc, comme cette personne t'a apporté des informations sur une autre personne, elle peut aussi prendre ces informations, des informations de toi, et les donner à d'autres. C'est-à-dire semer la discorde aussi entre toi et une autre personne. Et ce que doit délaisser le jeûneur aussi, c'est le riche. La tromperie. La ruse. La tromperie. Le fait de la duperie. Le fait de vouloir tromper des gens. Ruser avec eux. Puis jamais elle mouhamadat. Dans tout ce qu'on fait, que ce soit les ventes, ou bien la location, ou bien sénat, c'est-à-dire si on y construit des choses, si on va construire un vélo par exemple pour le vendre, on ne va pas ruser et montrer que ce vélo ne contient aucun défaut. Alors qu'on sait que par exemple on l'a trafiqué. Si c'est une voiture, on a trafiqué à l'intérieur le moteur, etc. C'est-à-dire tout ça, c'est interdit non seulement pendant le ramadan, mais pendant toute la vie du croyant. Car la ruse ici, et la duperie, et la tromperie, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les grands péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Men rashana fa laysa minna. » Celui qui nous dupe n'est pas des nôtres. Celui qui nous dupe n'est pas des nôtres. Wa fi lafd man rasha laysa minni, fa laysa minni. Et dans une autre version, celui qui trompe n'est pas des nôtres. Quelle est la différence? C'est un hadith rapporté par Muslim, bien sûr. Quelle est la différence maintenant? On va gagner quoi en différenciant entre le hadith? Celui qui nous trompe n'est pas des nous, n'est pas des nôtres, et celui qui trompe n'est pas des nôtres. Quelle est la différence? La différence que lorsque tu dis celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, ça veut dire celui qui trompe un musulman. Comprenez? Celui qui nous trompe. Donc l'autre, le tekfiri, il va te dire Alhamdulillah. Moi je trompe un kafir. Non, un kafir, je lui vends quelque chose qui ne fonctionne pas et je lui dis. Elle fonctionne, mashallah. Pourquoi c'est un kafir, c'est un mécréant. Alors tu lui cites le deuxième hadith. Tu lui dis, mais le prophète a dit, celui qui trompe n'est pas des nôtres. Il n'a pas dit dans la deuxième version, celui qui nous trompe. Donc ça devient plus global, plus général. Comprenez la différence. Non. Et enfin, Allahu alam, la personne doit éviter surtout pendant ce mois-là, le ma'azif. Les instruments de musique. Voyez, elle est là où. Les instruments avec lesquels on se distrait. Et il a dit dans toutes ses sortes. Ensuite, il a cité des sortes, comme ça en arabe, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Entre autres, il a cité comme le oud, le rababa, le kanoun, le kamanja, le piano, le kamen, ou akada. Il a cité la flûte, entre autres. La guitare, le piano, ça rentre aussi l'harmonica. Et comme ça, toutes ces choses, les instruments qui ont un certain son. Il a dit surtout, il a dit ça, c'est haram, il a dit surtout. Et le péché devient plus grand si c'est accompagné par de la chanson. Car c'est la musique elle-même, on peut jouer au piano sans chanter. Ça, tu joues au piano, c'est tout. Donc ça, c'est haram, premièrement. Maintenant, si je vais chanter, j'ajoute une deuxième chose. Car je ne suis pas en train de chanter sans piano. Si je chantais sans piano, je chantonnais comme ça des phrases, et que ces phrases ne comportent rien de haram, je parle d'arbres, de forêts, de soleil, de lune, c'est pas haram. Mais maintenant, je suis avec quoi? Je suis avec un piano. Et il a dit, surtout, si les paroles maintenant... sont des paroles yani, excitantes, par exemple. Des paroles qui excitent aux choses qui sont haram. Naam. Dans ce cas, ça devient plus grave. Et il a cité un verset. Sourate Luqman, numéro 6. Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ Naam. لِيُدِلْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Je ne connais pas la traduction, mais je dis à peu près qu'est-ce que ça donne. De ma tête, je dis. Hein. Quand je dis je ne connais pas la traduction, je connais hein, l'interprétation en arabe. Mais en français, je ne sais pas comment on va lire ce verset. Je vous dis à peu près ce que ça veut dire. وَمِنَ النَّاسِ Il y a des gens مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ Naam. Celui qui, Allah l'adim, achète, yani lahu al-hadith, achète ou vend. Car il y a yeshri et yeshteri. Non, lahu al-hadith. Yani lahu al-hadith, des paroles qui sont futiles. Sont futiles. Liyudhilla an sabilillah. Pour qu'il égare du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, biré les ilm, sans science. Wa yittakhidaha buzouan. Et il prend ça à la légère, car l'homme a d'abord mourir. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en haï. Ceux-là subiront un châtiment avisé en sorte leur main. Jazakallahu khairan. Qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Vous connaissez Abdullah ibn Mas'ud ou là vous ne connaissez pas? L'un des compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'un qui était le plus petit de taille et le plus maigre. Maigre. Au point que, une fois il est monté sur un arbre, quand on a vu son tibia, certains sahaba ont rigolé de lui, ont ri. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi vous riez? Je jure que celui-là, lorsque Allah Ta'ala le mettra ses tibias sur la balance, qu'elles pèseront plus que Jabal Uhud. Subhanallah l'adhim. Al-Muhim. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, entre autres, en parlant de quatre personnes, il a dit, prenez le Coran de X. Il a cité trois personnes, Ubay ibn Ka'b et deux autres. Ensuite, il a cité, entre autres, peut-être qu'il a commencé par lui. Abdullah ibn Mas'ud, celui-là dont on est en train de parler, Abdullah ibn Mas'ud. Il disait, lui-même il disait, je jure par Allah que si je connais, mais si ça existait quelqu'un qui, je sais qu'il connaît le Coran mieux que moi, c'est-à-dire l'interprétation du Coran mieux que moi, et que il est possible de le joindre sur monture, que j'irai vers lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui connaît le Coran et sa traduction mieux que moi. Un mohim. Celui-là, radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit sur le verset qu'on vient de lire maintenant? Il a dit, il a juré. Non, il a dit, Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Je jure par Allah Azza wa Jal qui est le seul, l'unique. Non, que le verset, que ce verset veut dire Al-Ghina, veut dire Al-Ghina, yani la chanson ou la musique. Il a dit Al-Ghina. Mais ce verset, Allah Ta'ala ici, est en train de parler de yani, la musique et de des chansons. Non. Wa saha aydan, et il a été rapporté d'une façon authentique de Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Donc c'est Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Ça a été cité par Ibn Kathir. Naam, d'après Jabir wa Ikrimah wa Sa'id ibn Jubair wa Mujahid. Nazal tali al-aya fil ghina wal mazari. Que ce verset est descendu fil ghina. Toujours. Et le mazamir. Et les instruments de musique. Naam. Wa qad haddara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien mis en garde contre ces choses-là, les instruments de musique, et les a même, non, les a même fait ressembler, non, ou plutôt les a même joints, les a joints avec la fornication. Lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari. Dans un hadith rapporté par Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? La yakunanna min ummati aqwam. Il y aura parmi ma communauté des gens qui, qu'est-ce qu'ils feront? Yastahilluna al-hira. Des gens qui, yani, diront que la zina c'est halal. Soit en la rendant halal dans leur cœur, ça c'est grave, ils deviennent des kofars. Ou alors soit, comme disent beaucoup de ulama, en faisant la fornication. En la faisant, ça veut dire que avec tes gestes, tu as dit que c'est halal, pas avec ton cœur, avec tes gestes. C'est-à-dire que tu es devenu pervers, pas kafir. Non. Donc, il a dit, il y aura de ma communauté des gens qui vont rendre halal certaines choses, quatre choses. Il y aura de ma communauté des gens qui vont rendre quatre choses halal. Ils vont les rendre halal en les faisant. La zina, al-harir, la soie pour l'homme, al-khamr, l'alcool, ou al-ma'azif, et les instruments de musique. Hadith dont personne ne peut se sauver, parce qu'il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah. Naam. Donc il a dit ici le cheikh, yastahilluna, ça veut dire ils vont faire cette chose bidoun mubalat, ils vont faire ces choses là, ces quatre, yani sans naam, yani bidoun mubalat, sans scrupule, naam, sans remords, naam, sans avoir peur de quiconque. Il a dit waqad waqa'a hada fi zamanina, il a dit ces choses là sont arrivées en notre époque. Exactement comme a dit le prophète alayhi sallam. Il a dit, il y aura des gens qui le feront, khlas. Ils l'ont fait en notre époque. Il a dit, il y a des gens qui istamilha din ma'azif. Il y a des gens qui, de notre époque, emploient ces instruments de musique ou istamilha ka'anna shay'un halal. Ou bien, il a dit, il écoute de la musique comme si c'était halal. Naam. Il y a des musulmans, ils écoutent la musique normale, comme si c'était halal. Et ce qui est pire, yani vraiment pire, c'est qu'il y a, entre parenthèses, Zama, des savants qui te disent, tu lui dis, est-ce que c'est permis la musique? Il te dit, comment? Moi j'écoute Oumou Kulthoum, moi j'écoute Abdel Halim Hafez. Moi j'écoute, je ne sais pas qui. Non, mais tu dis non, l'essentiel c'est que la parole soit une parole propre. Mais les instruments de musique, il te dit c'est halal. Non. Wa hada mimma najaha fi a'da'u l'islam bi kidihim li muslimin. Il a dit, Cheikh Rahimullah, et ça, c'est ce qui a permis aux mécréants kuffa, non, subhanallah, d'employer comme ruse. Pourquoi? Pour éloigner des musulmans de d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran et de la Sunna. Naam. Toi, au lieu que tu prennes le Coran et que tu lises un peu le Coran et que tu prennes la Sunna et que tu essaies d'ouvrir des livres, de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que Allah ta'ala t'a ordonné de faire, qu'est-ce que Allah ta'ala t'a ordonné d'éviter, quel est le chemin qui mène au paradis pour l'utiliser, quel est le chemin qui mène à l'enfer pour s'en éloigner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter de la musique du matin au soir. Et, alhamdoulilah, la réalité les a démentis. Et a montré que tout celui qui s'éloigne de Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et fait ce qu'il a interdit, jamais non, il ne réussira, ni dans cette vie, ni encore moins dans l'au-delà. Regardez par exemple, ils ont toujours dit et nous ont toujours appris la célèbre phrase qui dit quoi? La musique adoucit les mœurs. Masha'Allah, la musique adoucit les mœurs. Ça, la musique, en l'écoutant, tu vas devenir doux. Tu vas devenir doux, tu vas devenir quelqu'un qui a un bon comportement, tu vas devenir quelqu'un de gentil, masha'Allah. Alors que si vous allez voir les musiciens et ceux qui les suivent, comment pendant les galas, comment que ils commencent à faire comme des chayatines, et à trembler, à crier, à hurler, à se déchirer les vêtements, naam, à prendre, à fumer la drogue, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, subhanallah, et ils disent ça, quoi, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La musique adoucit, naam, et ils disent ça adoucit les mœurs et ça donne un bon caractère, naam. Avec le grand chanteur, le grand, hein, qui est mort avec ça fait quelques années, qui prenait, je crois, un demi-kilo d'héroïne ou là, de haschich par jour. J'ai oublié comment il s'appelle avec les cheveux bouclés. Il avait comme des nattes. Très connu, hein, un noir de peau. Est-ce que vous connaissez comment il s'appelle? Bob Marley, Saha. Bob Marley. On a dit, Allah Alam, qu'il prenait jusqu'à 500 grammes de drogue par jour. Sinon, yani, il ne pouvait pas vivre. D'ailleurs, il est mort par une overdose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous fasse mourir, yani, musulmans et pieux et loin de la perversité. Non, que je disais. Il a dit, Fahdaru ayyuhal muslimoun. Alors, vous, non, les ahadith, vous, les musulmans, alors il a dit, prenez garde, non, soyez sur vos gardes. Ne vous laissez pas avoir par cela. Et par des phrases comme ça, yani, comme quoi la musique adoucit les mœurs, etc. Tout ça, c'est du mensonge sur mensonge. La preuve, comme j'ai dit tout à l'heure, allez voir les chanteurs, allez voir ceux qui les suivent, hein, dans quel état ils sont, dans quel état ils sont quand ils écoutent la musique. Je n'oublierai jamais une chose que j'ai vue une fois dans ma vie. Je ne sais pas si ça se raconte ou ça se raconte pas. Mais Malish, puisqu'on est en train de parler de ces choses-là, ça rentre dans, subhanallah, dans ce que je suis en train de dire. Une fois, j'étais en voyage, non, j'étais en voyage, je revenais du Koweït vers Alger. Non. Je devais, comment on dit, transiter. Je devais transiter par Istanbul. Quand j'étais à Istanbul, j'étais à l'hôtel, bien sûr. Je passe une nuit à l'hôtel. Le lendemain, je reprends l'avion Istanbul-Alger. Quand j'étais à l'hôtel, vous savez, il y a toujours une télévision. Et maintenant, en Turquie, vous savez, les télévisions, leurs programmes, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas voir. Un. Alors moi, j'ai allumé la télé. Pour éviter toute chose, j'ai été directement vers l'akhbar. Comment on dit l'akhbar? Les informations? Non. C'est-à-dire pour écouter ce qui se passe dans le monde. L'akhbar, hein? Voilà les informations. Sarkozy a fait, Angela Merkel a fait ceci, cela. L'akhbar, c'est tout. Dans l'akhbar, il n'y a rien de grave. Ça, les actualités, c'était une chaîne allemande. Ça tombe bien comme moi, j'ai fait l'allemand autrefois. Ça a un rapport avec la musique. Hein. Ils étaient en train de parler ce qui s'est passé ici, là-bas. Donc ils ont dit X. Non, ils ont cité X, un chanteur allemand, j'ai oublié qui c'est. Ils ont dit hier, il a fait un gala. Et hop, ils ont montré, yani, ils l'ont montré comme ça, dans le gala, en train de, comme ça, avec sa guitare et les gens qui lèvent la main, etc. J'ai fait mute, j'ai enlevé la musique. Et soudain, qu'est-ce qu'il fait? La hawla wa la quwwata illa billah. La musique adoucit les mœurs, comme ça ils disent. Hein. Ce qu'il a fait, subhanallah l'adhim, la hawla wa la quwwata illa billah. Il a fait sortir ses parties intimes. Subhanallah l'adhim. Je le voyais de loin, yani, tout juste de loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à uriner sur les gens. À uriner sur les gens. Moi j'ai vite éteint, bien sûr. Et les gens, yani, subhanallah, c'est comme si c'était, yani, ils font pas comme ça avec Mazemzem. Mazemzem qui vient, yani, de la Mecque. Yani, les gens ne font pas comme ça quand ils le voient, Mazemzem, là ils le voient. C'est comme si, yani, s'ils pouvaient, ils se seraient, yani, lavés avec ou bien ils auraient bu cette chose, ce liquide, cette urine qui est de la souillure. Subhanallah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم الحمد لله دونك الذي هدانا لهذا ja'alana muslimin. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On s'arrête ici, inshallah ta'ala. La prochaine fois, il y aura des choses, na'am, qui sont conseillées de faire et non obligatoires. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On passe aux questions, inshallah, تفضل. Donc, Inch'Allah, si vous voulez, je commence la première question. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Une parenthèse, Cheikh, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au concert de. C'est des gothiques, Cheikh. On les connaît sous le nom gothique. Yani, Abna Shayatin, ça s'appelle les enfants de. Les gothiques, les sataniques. Il y a beaucoup de publicité. Bismillah, donc on commence par la première question, Cheikh. Donc la personne, c'est une sœur, a dit: je souhaite qu'Allah vous récompense en bien, Cheikh. L'islam reconnaît le mariage des mécréants. Je me demande si c'est à la condition que les mécréants entrent en islam ou bien même quand ils ne le sont pas, quand leur mariage n'est pas encore reconnu. Allah, allez. Ça, c'est la première question. Alors, deuxième question. Alors, c'est par rapport à une brocante. Donc, c'est un frère qui demande. Une brocante aura lieu dans le quartier où j'habite. Elle est organisée par une association et toute la journée, ils passeront de la musique par haut-parleur. Justement, je vous demande, Chir, s'il est permis que je m'installe devant chez moi en tant que brocanteur. Qu'Allah vous accorde une belle récompense, Chir, pour tout ce que vous apportez, pour le temps que vous nous accordez, ainsi qu'aux admins. Donc, là, en fait. Troisième question. Salam alaikum, Chir. Comment savoir quand s'arrêter de manger avant Al-Fajr, lorsque l'on jeûne, Alors, je vais fermer mon PC, Chir. Alors. Donc voilà, je recommence. Salam alaikum, Cheikh. Comment savoir quand s'arrêter de manger avant le fajr lorsque l'on jeûne, vu que l'on ne sait pas différencier l'aube dans la nuit et que dans le calendrier c'est écrit 20 minutes à l'avance. Quand je prie al-fajr, je prie 20 minutes après le calendrier, comme vous avez dit, mais pour le jeûne, j'ai peur de dépasser de quelques minutes. Vu que ce n'est pas très précis, vu qu'on doit ajouter 20 minutes, donc est-ce le droit par mesure de sécurité de finir de manger à l'heure du calendrier? Je ne m'occupe pas de elle parle pas de l'imsak, donc, car je sais que c'est une bida et totalement contraire à la sunna, mais je me fie à l'horaire du fajr de peur de rajouter une minute en trop et que mes jours de jeûne ne soient pas valides. Par là, on fait comme cher. Quatrième question. Salam alaikum, cher. Je suis dans une école en Égypte. Pour apprendre l'arabe, les cours me reviennent chers. Je voulais acheter des livres de cette école et les faire avec un professeur. Cela me reviendrait, inchallah, moins cher et plus bénéfique. Mais cette école m'interdit de travailler leurs livres avec un professeur en dehors de leur propre école. Ai-je le droit de le faire quand même? Barakallahu fikoum. Dernière question, Cheikh. C'est un frère, il dit: je compte installer ma famille et moi-même dans la ville de Beni Merred en Algérie, dans le cadre de ma hijra, inshallah ta'ala. Pourriez-vous m'informer concernant cette destination au niveau de son infrastructure? Est-ce que c'est un village ou une ville plutôt dynamique? Mais aussi au niveau des différentes institutions organisées pour l'apprentissage du dîn, particulièrement pour l'apprentissage du Coran, de la Aqida pour les enfants. Barakallahu fikoum, Cheikh, de me conseiller sur ce qui serait un bien dans ma religion. Voilà, tafaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que tu m'entends, Cheikh? Ghourab, est-ce que tu m'entends? Naam, s'il te plaît, répète la question du brocanteur. La question du brocanteur. Est-ce que la personne a dit qu'elle allait s'installer devant elle. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire, elle s'installe devant sa maison. Donc elle n'est pas, Elle n'est pas dans le marché Ada ou la Tfadba. En fait, une brocante, c'est dans une rue, c'est dans un quartier. Et dans le quartier, en fait, le frère, il dit devant chez lui. Il y aura de la musique partout et tout. C'est pour ça qu'il demande. Ça sera devant chez lui, il met des affaires. Il vend des affaires qui sont d'occasion. Il va les vendre. Et bien sûr, il y aura beaucoup de monde qui vont passer pour acheter. Et comme il a expliqué le frère. Moi, je vais quand même relire la question, cher, comme ça, c'est plus. Alors, il dit, donc, une brocante aura lieu dans le quartier où j'habite. Elle est organisée par une association et donc c'est toute la journée. Ils vont passer avec des haut-parleurs et de la musique à fond. Je demande s'il est permis que je m'installe devant chez moi pour vendre aussi. Donc voilà, cher. C'était ça sa question. Naam, est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdulillah, parce qu'il vient, il est en train d'appeler à la prière de Salat al-Isha. Je vais répondre, inshallah ta'ala, un peu vite pour partir, yani inshallah ta'ala. Naam. Pour la première question, le mariage de mécréants, entre mécréants. L'islam reconnaît le mariage entre les mécréants, pas entre mécréants et une musulmane. Celui-là, il ne le reconnaît pas. Par contre, il reconnaît le mariage entre un musulman et une mécréante, si elle est juive ou bien elle est chrétienne. Mais musulmane avec mécréant, c'est invalide, ce n'est pas reconnu. Et mécréant avec mécréante, c'est reconnu. C'est reconnu. Là, si la personne veut plus de détails, alors qu'elle me le dise. Me le dise. Pour le brocanteur, si c'est son travail, il doit vendre, il doit vendre. Il n'a pas d'autre revenu, il doit vendre. Là, donc il doit au maximum s'éloigner de l'endroit où il y a, par exemple, comment ça s'appelle, c'est pas le micro, où il y a la baffe, par exemple. Où il y a la baffe, où il y a la musique, c'est des baffes, il y en a un peu partout. Il s'éloigne le maximum de l'endroit où il y a, yani, la musique forte. Il s'éloigne et, si c'est possible, il met quelque chose dans sa tête, au-dessus de sa tête. Par exemple, il entend quelque chose, il entend un cours, là, il met quelque chose, hein, comme faisait Abdullah ibn Omar quand il est passé devant quelqu'un qui jouait de la flûte, il a mis son doigt dans son oreille. Il met quelque chose, hein, au-dessus de sa tête pour ne pas les écouter. Là, et quand on lui parle, il enlève sa tête pour parler avec les gens. Et il s'éloigne au maximum de l'endroit où il y a la baffe. Pour le jeûne et le calendrier, non, c'est possible. Si la personne a des doutes et a peur qu'elle dépasse de quelques minutes, alors qu'elle prenne du calendrier directement. Si le calendrier dit que le Fajr, c'est à 4h18, par exemple, elle arrête à 4h18. Non, comme ça, elle est sûre d'avoir jeûné. Inch'Allah, si elle a des doutes pour ne pas rentrer dans les houssouettes. Pour la réponse du livre, j'ai répondu à cette question la fois passée. J'ai répondu à cette question dans le cours passé. Si la personne n'était pas présente, donc elle n'a pas le droit de poser la question et de s'éloigner lors de la réponse. Moi, je réponds et elle n'est pas présente. Si quelqu'un pose la question, il doit attendre jusqu'à ce qu'il sache quand est-ce que c'est sa réponse. De toute façon, si elle n'a pas entendu la réponse, je lui répondrai, Inch'Allah Ta'ala, quand je reviendrai de Salat al-Isha. Et Rorabara, rappelle-moi, pour que y a un nouveau système, je vais te le dire, en ce qui concerne, Inch'Allah Ta'ala, les questions. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui posent des questions, ensuite, soit c'est la salat, soit ils veulent aller aux toilettes, soit ils ont des choses, soit, et quand ils sont absents, nous on répond. Donc c'est pour ça, il y a, Inch'Allah Ta'ala, une solution pour que Yanni paraît à cela, Inch'Allah Ta'ala. Enfin, pour la ville de Bni Mered, c'est une petite ville, presque un village, qui n'est pas loin de Blida, de seulement 1 km ou 2. Dans cette petite ville, il y a tout ce dont on a besoin. Il y a, comme ça, comme je puis dire, une supérette, ou un supermarché. Il y a bien sûr 2 mosquées. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'école, il y a le train, il y a tout ce qu'on veut, bien sûr. Et Il y a une des deux mosquées, dans une des deux mosquées, il y a l'apprentissage du Coran. Je sais qu'il y a quelqu'un qui fait apprendre le Coran aux gens. Et dans la deuxième mosquée, l'autre mosquée, c'est la mosquée d'un ami. Un ami à moi qui est imam là-bas. Qui est imam là-bas, c'est quelqu'un sur la sunna. Quelqu'un sur le manhaj salaf. D'ailleurs, même une fois, si vous vous rappelez, je vous ai présenté quelqu'un qui a répondu à certaines de vos questions. Si vous vous rappelez, il y a peut-être une année ou la plus. Non. Voilà, inshallah ta'ala, on continuera après salat l'Isha. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tayyib. Inshallah ta'ala, la prochaine fois, quand il appelle à la prière, ici en Algérie, je dois laisser des questions pour quand je reviens, c'est mieux. Aujourd'hui, quand je suis allé à la mosquée, il m'avait dépassé déjà d'une raka'a. La deuxième des choses, j'ai dit que des fois on posait des questions et que les personnes étaient occupées. C'est des femmes, par exemple, elles font préparent à manger, elles font ceci, cela. Elles-mêmes. Je conseille, Wallahu alam, je conseille que, avant de lire les questions, il faut les numéroter. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, par exemple, comme ça. Ils ont les 10 premières questions, les 20 premières questions. Ensuite, sans les lire, dire que voilà, il y a l'ordre des questions qu'on va poser. Premièrement, c'est X, deuxièmement, c'est là. Seulement les pseudos. Les pseudos des personnes qu'on va lire. Là. Et comme ça, la personne, elle saura par exemple qu'elle est par exemple au numéro 13. Et comme ça, quand de temps en temps, par exemple, elle va dans notre chambre et elle revient, elle écoute seulement le numéro. Quand elle sait qu'on est au numéro 10, elle sait qu'il lui reste par exemple 3 personnes, ensuite c'est son tour. Wallahu alam. Vous avez autre chose, Yanni, de mieux, dites-le-moi. Tfadal. Ensuite, le pseudo qui est avec nous, Abu Marwan, le premier en rouge. Est-ce que c'est Abu Marwan qu'on connaît ou là un autre? Tfadal. C'est notre frère Abou Marwan. Pour ce qui est des pseudos, Cheikh, des fois, il y a, comme il a dit le frère, alhamdoulilah, notre frère musulman, alhamdoulilah, il a bien dit, il y a beaucoup de pseudos anonymes. Il y a des gens qui veulent rester anonymes. Alors, on fait comme on peut. Il y a des questions, on dit soit c'est un frère, soit c'est une sœur. Ensuite, au pire des cas, Cheikh, ils reviennent à l'audio. Il y a l'audio sur le site, ils veulent réécouter, qu'ils réécoutent, Inch'Allah. Pour ceux qui ne peuvent pas, et ben tout simplement, ils le disent dans leurs questions. Comme ça, on sait qu'on doit donc soit dire un pseudo. Alors, c'est comme ça que je vois, cher, parce que c'est toujours pareil. On le dit pas, de toute façon, il y a la personne, soit elle écoute le cours, et elle vient pour poser sa question, elle attend la réponse. Et ça fait partie du adab d'attendre la réponse du cher. Après, si la personne n'appelle pas, elle a une excuse. Mais c'est ce que je vois, moi, Inch'Allah. Notre frère Abou Marwan, j'espère, Cheikh, que vous avez eu mon message. Parce qu'il avait un message pour vous. Faut Cheikh. Là, en ce qui concerne les questions-réponses, donc faites comme vous voulez, on fait, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on peut. Là, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va terminer à 23h, 23h algérienne, c'est-à-dire dans 3 quarts d'heure, bi'iznillahi Ta'ala. Al-Mouhim. Quant à Abou Marwan, barakallahu fi pour l'invitation, je lui dis que ces jours-ci, je suis en période de soins. Je suis en train de prendre des soins. C'est pour cela que je ne peux pas, Inch'Allah Ta'ala, répondre à l'invitation bi'idhnillah azza wa jal, et je m'excuse de ma part et barakallahu fih pour l'invitation. Fadlan inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسون كلا إن شاء الله نشوفكم الله يا شيخ الله يفضلنا صوتين إن شاء الله نسون كلا أخي الغلابة الحمد لله donc passons aux questions suivantes إن شاء الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mercredi dernier, je vous avais posé une question concernant une étudiante qui souhaite adhérer à une mutuelle pour des frais de santé uniquement, prise de sang, docteur, etc. Vous avez répondu qu'il ne fallait pas que ce soit comme une loterie, c'est-à-dire qu'il y ait des jours où la mutuelle rembourse et d'autres jours où elle n'en rembourse pas. Si j'avais bien compris, vous avez dit aussi qu'il ne faut pas que la mutuelle s'enrichisse sur le dos de la personne. Or, une mutuelle, en principe, doit s'enrichir sur le dos de son client, sinon elle ne pourrait pas exister. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu dire par une mutuelle qui ne s'enrichit pas? De plus, il faut que l'on prend, la mutuelle ne rembourse pas tous les soins. Par exemple, il y a les lunettes ou l'orthodontie, les dentistes, qui ont des coûts élevés et que la mutuelle ne rembourse pas dans certaines offres. Dans ce cas-là, c'est une loterie. Non, dans ce cas-là, c'est une loterie, Afwan. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Tout d'abord, qu'Allah vous guérisse de tout mal. J'aurais voulu savoir si vous connaissiez le frère Salim Abou Islam de Marseille. Et si oui, peut-on l'écouter? Désolé si la question a déjà été posée, mais c'est important. Bismillah, barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Barakallahu fikoum pour ce cours. J'ai une question, inshallah, relative au paradis. Je voudrais savoir, inshallah, si un musulman aujourd'hui, surtout un vivant, dans un pays de kufr, peut encore espérer le plus haut degré de paradis. Ou est-ce irraisonnable? Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'invoque Allah le Tout-Puissant, le Sage, de vous combler de ses bienfaits ici-bas et dans l'au-delà, et de vous rajouter de sa science. Est-il vrai que de voir Allah subhanahu wa ta'ala en rêve fait partie du dogme de Ahlus Sunnah wal Jama'a? Jazakumullah khayran pour votre réponse. Hayyakar Rahman, wassalamu alaikum. Dernière question. Salamu alaikum. Une personne qui ne fait pas la prière, peut-il égorger une bête? Wassalamu alaikum. Tfadal, cher. S'il te plaît, Barakallahu fik, tu pouvais répéter la troisième. Tfadal. Baraka, cher, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, je la relis. Donc j'ai une question relative au paradis. Je voudrais savoir, Inch'Allah, si un musulman aujourd'hui, surtout un vivant dans un pays de Kufr, donc une personne qui vit dans un pays de Kufr, peut encore espérer le plus haut degré du paradis. Ou est-ce irraisonnable? C'est impensable. Tfadal, cher. Donc, on va aller un peu vite, et surtout que on a seulement 3 quarts d'heure devant nous, et surtout que maintenant que ces derniers temps j'ai décidé de répondre vite comme ça, parce que ce sont pas yani, des endroits où on doit donner yani, tous les délits, comme je faisais autrefois quand je commençais des cours. Pour ceux qui sont avec nous ici, et ceux qui sont anciens, je prends yani, ceux qui savaient, ceux qui, par exemple, avaient l'habitude d'assister il y a des années, par exemple, savent que des fois, on restait pendant le cours, par exemple, de 20h ou de 21h du soir, jusqu'à, par exemple, 3h, 4h du matin. Subhanallah l'adhim. Donc, c'est pour ça que je vais répondre, inshallah ta'ala, vite. Celui qui veut beaucoup plus de détails, qu'il me. Non, des fois jusqu'au Fajr, et des fois j'allais au Fajr et je revenais. J'allais au Fajr faire la prière et je venais. Non. Voilà l'époque du Covid. Maintenant, avec yani, la santé, ça, vous savez comment ça se passe. Mouhim, pour la mutuelle, la personne, il faut qu'elle comprenne bien. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, la mutuelle se divise en deux. La mutuelle normale, celle qu'on connaît, et la mutuelle ta'awuniya. Zaman ta'awuniya, ou takafuli, il a appelé ça ta'awuni. Il a dit, ma mutuelle de bienfaisance. Bienfaisance. Quelle est la différence entre les deux? La première n'est pas permise, la deuxième est permise. Quelle est la différence entre les deux? La mutuelle normale, tu donnes, toi, de l'argent, tu cotises, tu cotises, tu cotises, hein, et tu ne sais pas demain, même si tu es malade ou là, si on va te rembourser ou on ne va pas te rembourser. On va te donner, on ne va pas te donner. On va te donner quelque chose, on ne va rien te donner. C'est un peu comme l'assurance de la voiture. Tu t'assures et tu ne sais pas si tu vas faire un accident pour qu'on te rembourse ou on ne va pas te rembourser. Par contre, ça c'est haram. Par contre, ce qui est permis, c'est l'assurance qui n'a pas pour but de s'enrichir. Ta'awuniya, c'est une assurance, c'est une mutuelle de bienfaisance. Bienfaisance. On cotise dans cette mutuelle et si jamais quelqu'un tombe malade, on l'aide. On l'aide, on lui paye les soins, on lui paye les médicaments, on lui paye l'opération s'il doit la subir, d'après les moyens qu'ils ont. S'ils ont beaucoup d'argent, ils t'en donnent beaucoup. S'ils ont peu, ils te donnent peu. Et s'ils décident, et ils font une réunion entre eux, ils décident, ils disent cette personne lui donne seulement ce qu'on peut. Cette mutuelle est permise. Celle dont parle Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, son but, c'est d'aider les gens qui ne peuvent pas payer des médicaments et qui ne peuvent pas se faire soigner, etc. Ce n'est pas comme l'assurance, c'est une mutuelle qui a pour but de se remplir les poches d'argent et de même yani, faire des souhaits que les gens yani, ne fassent pas d'accident. S'il n'y a pas d'accident, ils ne remboursent à personne. Tandis que le deuxième cas, ce sont des gens, c'est une association qui veut aider. Nous, on cotise. Si on tombe malade, elle nous aide. Si on tombe pas malade, alhamdoulilah, elle aide d'autres personnes. Si c'est comme ça, la mutuelle dont tu parles, c'est permis. Si c'est non, c'est non. Pour la deuxième personne, Salim Abou Islam. Salim Abou Islam, je ne connais pas Salim Abou Islam, j'ai jamais entendu parler de lui. Est-ce qu'une personne peut espérer le paradis dans un pays de kofre? Naam. Même dans un pays de kofre, une personne peut espérer le paradis et d'être même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour peu que, yani, elle a l'intention de quitter ce pays dès que l'occasion se présente et que elle ne vit avec eux que dans la contrainte. Et que l'arabe n'a pas les moyens de quitter, ou elle est jeune, ou elle n'a pas où aller, ou il y a mille excuses. Mais elle a dans le cœur que, dès yani, la première occasion, elle quitte ce pays, bidna ta'ala. Non. Troisième question, ou la quatrième, voir Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Est-ce que c'est le rite de Al-Sunnah ou pas? Non, c'est le rite de Al-Sunnah ou Jama'a. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé une fois, et il a dit, non, j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Et il a posé, yani, sa belle main, ses beaux doigts entre mes épaules, jusqu'à ce que j'ai ressenti leur froideur. Non. Donc, le rite de Al-Sunnah Jama'a, c'est de rêver Allah subhanahu wa ta'ala, de le voir en rêve. Et le rite de la bid'a, qui sont pas Al-Sunnah Jama'a, c'est deux choses. Ou bien, dire qu'on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans les rêves, ou bien dire qu'on peut le voir dans la réalité, pas dans les rêves. Car il y a des gens qui disent que Allah ta'ala, on peut le voir même dans la réalité. Ces deux-là, ce sont le madhhab, le rite de la bid'a. Enfin, égorger une bête sans prier, de préférence, vaut mieux ne pas donner sa bête à égorger à une personne qui ne fait pas la prière, pour sortir des divergences. Mais si maintenant, celui qui l'a égorgé, tu ne sais pas s'il fait la prière ou s'il ne fait pas. Moi-même, c'est un musulman. Mais tu ne sais pas s'il fait la prière ou pas. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas demander s'il l'a fait ou ne l'a fait pas. Tu dis bismillah et tu manges. Non. Mais si, mais avant de dégorger, il vaut mieux chercher celui qui prie bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam tafadhal pour les cinq autres. Il y a une soeur qui voudrait un rendez-vous téléphonique à Foun. C'est pour vous exposer une situation. Donc, Yanné, elle demande si c'est possible de soit en PV, soit par téléphone, cher. Donc là, on fait quoi? Avant que j'oublie, donc là, je commence la première question d'un frère. Il dit, Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Yachir. Qu'Allah vous accorde une belle vie ici-bas et dans l'au-delà. Il dit, un frère a fait la hijra dans un pays musulman avec une somme d'argent. Il pensait Il pensait que cela allait lui suffire pour travailler 1 ou 2 mois en France chaque année. Il pensait qu'il lui suffirait de travailler 1 mois ou 2 en France chaque année et le reste de l'année vivre dans un pays musulman. Toutefois, il n'est pas simple de trouver du travail pour lui car il est jeune et il n'a pas d'expérience. Est-il autorisé pour lui d'étudier quelques années en France pour obtenir un diplôme et trouver un emploi dans un pays musulman? Barakallahu fikoum ya cheikh pour votre réponse. Deuxième question. Alors, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh ya cheikh. Pouvez-vous nous dire qui est cheikh Abdelaziz Ar-Raïs? Car il est en France en ce moment, accompagné de cheikh Ahmed Al-Atiq, ayant reçu un mail de mise en garde contre une personne qui fait que ça. Qu'en est-il, barakallahu fikoum wa jazakoum la khaira? Donc, elle a dit cheikh Abdelaziz Ar-Raïs. Troisième question. Donc la question, cheikh, c'est par rapport à la prière. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, cheikh. Qu'Allah vous récompense et vous accorde une grande place au paradis. Lors de mon voyage, je me dois de prendre un bus collectif pour rentrer chez moi. Ce bus démarre à 22 h, puis il fait 2 escales pendant la nuit. Le problème, c'est qu'au moment de la salat, yani de salat al-fajr, il ne s'arrête pas. Puis je prie assis dans le bus et peut-être aussi dans le mauvais sens de la qibla. Où dois-je attendre yani, d'être arrivé à destination et prier debout alors que le soleil sera levé? Quatrième question, cheikh. Alors, la sœur dit, mes parents boivent de l'alcool et ils laissent les bouteilles d'alcool dans le frigidaire, plus précisément du côté de la porte du frigidaire. Ce qui fait que lorsque j'ouvre la porte du frigidaire, cela me fait déplacer les bouteilles d'alcool qui s'y trouvent. Étant donné qu'il n'est pas permis de transporter de l'alcool, est-ce que je commets un péché chaque fois que j'ouvre le frigidaire? Que me conseillez-vous de faire? J'ai une deuxième question qui concerne le dars. Yani, je peux pas la poser, vous connaissez le règlement, inchallah. Alors, la dernière question, salam alaikum. Est-ce que je peux jeûner pour une personne musulmane qui est décédée? Yani, barakallahu fikoum, de ne pas utiliser le terme, yani, SMS. Inchallah, faites un effort, barakallahu fikoum. Tfadal, bien sûr. Lou Samah, c'est quoi? Répète la question du frigo et du vin. Du frigo et du vin. Lou Samah. Inch'Allah, cherche, je répète. Donc la personne a dit, mes parents boivent de l'alcool et ils laissent les bouteilles dans le frigidaire et c'est du côté de la porte quand on ouvre la porte. Ce qui fait qu'elle est obligée de, en ouvrant la porte du frigidaire, de déplacer les bouteilles d'alcool qui sont devant elle. Étant donné qu'il n'est pas permis de transporter l'alcool, il y a de bouger ou de prendre ou de déplacer une bouteille d'alcool, est-ce que la soeur demande si elle commet un péché quand elle fait ça? Et qu'est-ce que vous lui conseillez de faire dans cette situation-là, cher? Bien sûr. Je commence Allah Ta'ala par la dernière question. Vous m'entendez? Non. Pour la personne qui a dit si elle pouvait jeûner pour une autre personne. Cette personne n'a pas expliqué pourquoi et si elle jeûne pour une personne qui est vivante ou morte et si la personne qui est morte, est-ce que yani, elle pouvait jeûner, elle n'a pas jeûné ou bien elle avait des excuses, ou bien. Donc, c'est difficile de répondre à sa question. Mais je réponds comme ça globalement. Je réponds globalement que, yani, quand quelqu'un meurt et laisse des dettes, il était par exemple malade, il n'a pas jeûné et il devait les jeûner. C'est du genre qui ne peut pas jeûner, comme un diabétique. Voilà, celui-là, on fait manger, on fait nourrir pour chaque jour, on fait nourrir un pauvre à sa place. Mais cette personne, non, elle était malade, mais elle pouvait jeûner. Elle pouvait jeûner, mais elle est morte. Donc cette personne qui a mangé, Les savants ont divergé si est-ce qu'on peut jeûner sur elle ou on ne peut pas. D'après Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on ne peut pas jeûner sur cette personne. Non. Car on ne jeûne sur une personne que si la personne a des dettes de nadr, c'est-à-dire des vœux. Pas d'autres dettes. Mais l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est le contraire. Non, c'est que on peut jeûner pour cette personne. Et il a dit que, le hadith qu'a cité Cheikh Al-Albani, il a dit, c'est ce qu'on appelle en arabe, ce qu'on appelle en osol, il a dit que tarsis bi ba'di afrad al-am. Il a dit, ça ne veut pas dire que si on peut jeûner pour le souhait, on ne peut pas jeûner pour yani Ramadan qui est plus obligatoire. Moi, je prends de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah que on peut jeûner sur une personne qui est morte, qui a des dettes, à condition que cette personne devait jeûner. Al-Muhim. On va à la première. Avant cela, pour le téléphone, Barakallahu fikoum, Jazakallahu khairan, ce n'est pas la peine à chaque fois de me demander si je peux donner un rendez-vous téléphonique, car vous savez que je ne peux pas. Car vous savez que pendant ces circonstances, je ne peux pas, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais cette personne pourrait, par exemple, m'envoyer une lettre en disant, c'est moi, yani, celle du palto qui a demandé telle et telle chose, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ce serait un cas spécial. Dame, pour la hijra, quand quelqu'un fait la hijra, il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il arrive ici, s'il lui arrive des problèmes ou là, de finances, etc., c'est quelque chose de normal. Il y a des gens ici qui, ça fait des années qu'ils ne travaillent pas ou là, ça rentre dans le mektoub et dans le qada ou le qadar. Ce n'est pas une excuse pour dire donc j'ai pas trouvé de travail, donc je reviens là-bas. Maintenant, si quelqu'un revient pour contrainte, pour aller maladie, pour soins, pour visite familiale, pour travailler et revenir, je pense que inchallah ta'ala, ça passera bien ta'ala. Mais s'il revient yani, pour de bon, pour se réinstaller où il était dans son pays, dans ce cas, yani, son péché est plus grand que celui qui n'a pas fait la hijra. Enfin, troisièmement, pour Abdelaziz Al-Raïs, Naam. C'est un homme de science d'Arabie Saoudite. Je ne connais de cette personne que du bien. Et que c'est une personne qui est née dans le minhaj, dans la bonne aqida, etc. Maintenant, si cette personne a des fautes ou a fait quelques fautes, je ne sais pas, je n'ai pas entendu, mais dans le cas où elle a fait des fautes, elle n'est pas infaillible. C'est une personne comme nous, comme tout le monde, qui est sujette à faire des fautes. L'essentiel, ce ne sont pas des fautes, par exemple, on l'a rapida, ou bien, ce ne sont pas des fautes qui la font sortir du ménage. Donc, moi, je ne connais de cette personne que du bien. Si quelqu'un connaît du mal de cette personne ou là, alors qu'il nous montre qui a parlé d'elle au mal, et quels sont les détails du mal. Enfin, pour la personne qui est dans le bus, et que c'est le moment de salat al-subh. Si elle sait que, si elle va rester sans la prière, et que, quand elle va arriver, le soleil aura déjà fait son apparition, dans ce cas, elle a fait un péché d'avoir fait passer salat al-subh de son heure. C'est pour ça qu'elle doit la faire dans le bus. Elle doit choisir une direction. Naam. C'est pour ça que, dans chaque pays, vous devez apprendre à vous situer par rapport au soleil. Apprenez ça. Moi, ici en Algérie, alhamdoulilah, la qibla, c'est du côté du lever du soleil. Donc moi, je regarde où se lève le soleil. Il se lève de ce côté. Donc c'est ça la qibla. Dans d'autres pays, on doit mettre, par exemple, si le soleil se lève de cet endroit, on doit mettre cet endroit dans notre flanc gauche pour qu'on soit vers la qibla. Dans d'autres pays, on doit se retourner à droite. Et comme ça. Donc vous aussi, en France, ou là où vous êtes, cherchez. Quand vous êtes dans la Qibla, pendant la journée, regardez. Quand le soleil se lève, il est où par rapport à la Qibla? Comme ça, à chaque fois, là où vous êtes, vous connaîtrez votre position. Que c'est toujours, par exemple, à 20 degrés à droite, 20 degrés à gauche, ou bien on lui donne notre dos. Et comme ça. Je dis à cette personne, quand elle est dans le bus, elle doit chercher, si elle peut arriver, elle doit chercher où se trouve la Qibla. Si elle ne peut pas, elle choisit comme ça un endroit où le cœur s'est apaisé et bidnillah ta'ala fait la salat assis. Assis, naam. C'est la seule solution, bidnillah ta'ala. Je recommande à ceux qui ne savent pas où se trouve la Qibla et qui vivent dans des pays comme chez vous, de demander à leurs amis, naam, quand ils vont au Hajj, de leur acheter la boussole avec du Hajj. Je crois qu'elles vont même en France ou là. Une petite boussole comme ça, naam, qui te montre dans quel pays tu cherches le pays où tu es. Même ici, même en France, ça se trouve, naam. Quand tu voyages, mets-la dans ta poche. Mets-la dans ta poche et elle te montre où est la Qibla, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Et comme ça, devant Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu as fait ce que tu as pu faire. Enfin, pour la personne qui a dit, quand j'ouvre le frigo, c'est plein de vin, etc. Et des fois pour boire, donc ça se voit que Allah alam, que cette personne s'est convertie. Allah alam. Elle dit que quand j'ouvre le frigo pour boire de l'eau, bien sûr, je trouve des bouteilles de vin, je dois les déplacer un peu pour prendre la bouteille d'eau. Est-ce que c'est interdit, vu le hadith qui dit qu'il ne faut pas toucher cela? Je dis, ce n'est pas interdit, bidnillah ta'ala. Ce n'est pas interdit de déplacer la bouteille pour arriver à ta bouteille d'eau pour la boire. Non, ce qui est interdit, c'est de prendre cette bouteille, de l'ouvrir et de la boire, ou bien de la servir aux gens, ou bien de non, la préparer, etc. Toi ici, tu es en train de la pousser, la déplacer pour que tu arrives au halal, pour boire. C'est comme si je prends la bouteille pour la jeter. Est-ce que c'est interdit de jeter une bouteille? Non. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit de toucher la bouteille. Je ne connais pas un hadith qui dit c'est interdit de toucher la bouteille d'alcool. Je ne connais pas ça. Le hadith dit il ne faut pas s'asseoir avec celui qui boit, il ne faut pas yani, semer, hada, il ne faut pas récolter, il ne faut pas l'essorer, il ne faut pas le vendre, il ne faut pas assister à la vente. Et comme ça. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal pour les 5 autres questions. Cher, donc c'est pour une précision. Alors, donc tout à l'heure par rapport à yani, le fait de voir Allah en rêve, la personne voudrait savoir si n'importe quelle personne, yani, n'importe lequel d'entre nous, il puisse voir Allah en rêve. Donc c'était par rapport à ça. Et la personne donc de tout à l'heure qui voulait une précision aussi. Elle a dit donc le cheikh il avait dit dans un dars qu'il allait faire des doros pour ceux qui veulent apprendre à faire un ruqya et à ceux qui ont un djinn. Elle voulait savoir quand est-ce que vous comptez le faire. Barakallahu fikoum. Muslim. Pour ne pas oublier, Inch'Allah Ta'ala, je réponds donc directement à cela. Pour les ruqya, etc., etc. Là, maintenant, pour l'instant, yani, ce projet, je l'ai éloigné de moi. C'est-à-dire que ce n'est pas dans mes. Comment ça s'appelle ça? Ce n'est pas. Ça rentre pas maintenant dans mes priorités. Là, maintenant, yani, je suis occupé par d'autres choses. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Là. Et pour la première question. Quant à yani, voir Allah subhanahu wa ta'ala dans les songes, c'est comme on dit les savants, tu ne vas pas voir yani, Allah ta'ala avec yani, ses yeux, avec yani, son visage, avec ses mains, tu dois le voir comme on va voir une personne. Non, c'est pas comme ça. Ils ont dit, tu vas voir yani, en ressentant quelque chose dans ton cœur. Cette chose yani, que tu ressentras te fera sentir que yani, tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala dans les songes. Peut-être même il t'a dit telle ou telle chose. Non, mais ce n'est pas en voyant une personne, même si le fait de dire que c'est on voit une personne, ça a été rapporté même par Ibn Hajar Asqalani dans Fath al-Bari. C'est-à-dire celui qui va voir yani, une personne comme ça, belle, d'autres vont voir une personne comme ça. Non, moi je ne suis pas de cet avis, bidna ta'ala. Je suis de l'avis qui dit que c'est en ressentant des choses, une chose superbe comme ça, dans le cœur, naam, dans le cœur, il y a une chose qui vraiment te rendra yani, plein de joie, une cœur, yani, une chose vraiment indescriptible. Indescriptible. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadal. Donc on passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakum Allah, cher, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez, ainsi qu'aux admins. Ma question est la suivante. Ma réponse est-elle complète si je dis qu'Allah le Tout-Puissant se trouve dans les cieux, comme il a été rapporté dans le hadith? Et faut-il d'autres éléments concernant cette réponse qui se rapporte à l'istawa? Pouvez-vous m'éclaircir à ce sujet, min fadlikum ya shir? Et pouvez-vous m'expliquer aussi le sens de l'un des noms d'Allah qui est El-Mutakabbir? Et me dire, min fadlikum, si c'est un attribut de l'acte ou de l'essence et l'entité. Barakallahu fikum ya shaykhana, pour m'éclaircir à ce sujet afin d'enlever et d'écarter toute ambiguïté, bi'idhnillah. Ahsanallahu ilaykum, wa salamu alaykum wa rahmatullah. Question suivante. Salamu alaykum wa rahmatullah. Allah Azza wa Jal vous récompense de la meilleure des récompenses, cher, ainsi que ceux qui vous aident. Pourriez-vous nous donner quelques conseils? Enfin, pourriez-vous donner quelques conseils à des enfants qui vous écoutent pour l'apprentissage de l'arabe et du Coran? Aussi, ils vous disent qu'ils vous aiment, fillah. Question suivante. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je compte faire la Umrah pendant ce ramadan, Inch'Allah. Je comptais payer cette Umrah avec de l'argent halal, qui est sur un compte bancaire, 4 000 euros. Malheureusement, je ne peux pas retirer cet argent car ce compte est bloqué jusqu'en 2011. Hormis cet argent bloqué, je n'ai que de l'argent haram en ma possession. Mon intention était de payer cet argent avec l'argent halal, mais cela m'est impossible à présent. Ma question est donc la suivante. Aux yeux d'Allah, est-ce que mon pèlerinage sera considéré comme fait avec l'argent halal si j'utilise l'argent haram par nécessité, car mon intention première était d'utiliser les 4 000 euros halal si je le pouvais. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Je vous aime, Allah Azzawajal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cheikh. Qu'Allah vous récompense pour votre science et pour votre enseignement et qu'il augmente vos connaissances et vous accorde le paradis. Je vous expose la situation qui m'amène à vous poser une question. Une sœur convertie se retrouve dans une situation très délicate avec ses parents. Elle est seule chez elle comme enfant. Ses parents ont une haine immense envers l'islam et les musulmans. Mais, alhamdoulillah, elle a été guidée. Ses parents la poussent à être dans le haram en la poussant à sortir le soir, lui disant de rentrer au petit matin. Ils préfèrent la voir commettre des péchés que la voir rester tranquillement chez elle. Elle a déjà eu affaire à de dures épreuves. Son père peut faire preuve de violence envers elle. Elle a patienté, mashallah, mais cela l'empêche de pratiquer les obligations qu'il incombe à tout musulman et musulmane, comme la prière, le ramadan, le voile, etc. Récemment, elle a décidé de vouloir revenir dans la pratique du din, afin avec sincérité. Mais elle a peur des représailles auprès de ses parents. Elle risque d'être mise à la porte de chez elle, chose qu'elle a déjà vécue. Elle est restée 4 mois à dormir dans sa voiture et parfois à l'hôtel, mais elle a peur de devoir revivre cette situation. Qadarullah. Elle doit partir en vacances avec ses parents et le ramadan approche, Inch'Allah. Du coup, ses parents le savent aussi et ils ne la laisseront pas jeûner. Le ramadan commencera vers le 11, Inch'Allah, mais elle ne pourra s'éloigner de ses parents que le 15, Inch'Allah. Elle voudrait savoir s'il lui était permis de les laisser les 4 premiers jours et de les rattraper après le ramadan, Inch'Allah. Dernière question. Salam alaikum wa rahmatullah. Une sœur demande. Elle va être dans son dernier mois de grossesse durant le ramadan et elle souffre de diabète de grossesse. Un médecin musulman lui a déconseillé de jeûner car le bébé se développerait le plus le dernier mois. Elle se demande si elle doit au moins essayer de jeûner ensuite, doit-elle rattraper ou donner une compensation ou les deux? Jazakumullah khairan. Tfadal cher. La troisième question qui était longue, qui parlait sur le Hajj, si tu pouvais la répéter, Inch'Allah. Non, cher, je vais juste vous la résumer, Inch'Allah. Donc, ce frère, en fait, il a 4 000 euros dans un compte. Lui, il avait l'intention de faire la Umrah cette année, donc pendant le Ramadan, avec ses 4 000 euros. Par contre, lorsqu'il a voulu donc prendre cet argent, il a remarqué que ce compte était bloqué jusqu'en 2011. À l'heure actuelle, il a assez d'argent pour le faire, donc, mis à part les 4 000 euros, il a en sa possession de l'argent qui est haram. Et ce frère demande, est-ce qu'il peut prendre cet argent haram pour faire la Umrah, sachant que lui, à la base, sa niyya, c'était de prendre les 4 000 euros. Donc il voudrait savoir si auprès d'Allah Azzawajal, sa Umrah sera comptée comme faite et valable. Donc il voudrait savoir si c'est valable, tout simplement. Tfadal cher. Il y avait aussi une question par rapport aux enfants. Non, une question par rapport aux enfants. C'était quoi cette question? Non, donc la question sur les enfants. Pouvez-vous donner quelques conseils à des enfants qui vous écoutent pour l'apprentissage de l'arabe et du Coran? Et aussi vous disent qu'ils vous aiment. Oh Allah. Tfadal, cher. Non. Donc, je commence par la première question, Inch'Allah Ta'ala. Attendez, j'en ai une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Comptez avec moi, je vois, j'ai oublié la cinquième. Regardez, j'ai celle de Allah Ta'ala dans les cieux. Et celle des enfants, le conseil. Et celle du Hajj, 4 000 euros. Et la personne qui a dit si elle pouvait ne pas jeûner 4 jours. C'est quoi la cinquième? Ah, cher, la cinquième, c'est le mois de Ramadan qui est au dernier mois de grossesse, avec le diabète de la grossesse. Tfadal, cher. D'accord, on commence par la cinquième, car je ne l'avais pas noté. Donc, si le médecin musulman lui a dit de ne pas jeûner, et que il lui a dit que si elle allait jeûner, ça allait faire des problèmes. Dans ce cas, elle peut prendre avec quoi? Elle peut prendre de l'avis du médecin musulman et de ne pas jeûner. Maintenant, si elle ne va pas jeûner, si elle sait, comme j'ai dit, que il lui a dit que c'était yani, vraiment, yani, ça poserait des problèmes. Mais s'il lui dit c'est juste une fatigue, là, il ne faut pas prendre son avis. Car il y a des médecins qui sont musulmans qui ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas et qui, ça leur dit rien, le fait de jeûner ou pas jeûner, le mohème. Maintenant, si elle ne va pas jeûner et qu'elle sait que en jeûnant, c'est grave pour elle ou pour son bébé, dans ce cas, si elle doit l'allaiter, hein, elle nourrira pour chaque jour pour l'avoir allaité. Elle nourrira pour chaque jour où elle l'a allaité. Elle doit nourrir une personne, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Ça, c'est comme j'ai dit, dans le cas où elle a peur pour elle ou pour son bébé. Ensuite, la première question. Celle qui a dit, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, est-ce qu'il est suffisant ou là, ça manque ou là? Et qu'est-ce que ça veut dire, mutakabbir aussi? Je commence par la phrase, Allah ta'ala est dans les cieux. Pour moi, personnellement, je trouve que cette phrase ne donne pas la vraie traduction. Non. Elle peut même faire croire aux gens une chose fausse. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand la bergère lui a posé la question, elle a dit Fissama. Non. Elle a dit Fissama. Et quand Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Amintum men Fissama. Fissama. Ça ne veut pas dire en français dans les cieux. Ça veut dire au-dessus des cieux. C'est pour ça, si on vous pose la question, où est là, vous dites au-dessus des cieux. Si vous dites en arabe, Fissama, c'est pour un arabophone. Quelqu'un qui comprend que fi, des fois, veut dire au-dessus. Ala. Non. C'est pour ça que si tu dis dans les cieux, est au-dessus des cieux. Non. Si tu dis Allah Ta'ala est dans les cieux, que va comprendre quelqu'un qui n'est pas un musulman ou bien un jahal ou bien qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va comprendre que Allah Ta'ala se trouve entouré. Il est dans les cieux. Moi, je suis dans ma chambre. Ça veut dire il y a les quatre murs et quoi? Et le plafond au-dessus de moi. L'autre, il est dans le cinéma. L'autre, il est dans la voiture. Comprenez? Mais s'il est au-dessus des cieux, ça veut dire que Allah Ta'ala, ou Al-A'la, c'est le plus haut. C'est la phrase la plus correcte, Inch'Allah Ta'ala. Et bien sûr, si Allah Ta'ala est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux, il est dans quel. Donc, il est en train. C'est-à-dire, il est décrit comment? Il est décrit qu'il est Moustawin al-Arsh. Moustawin al-Arsh. Là aussi, on ne dit pas il est sur le trône. Car quelqu'un qui est sur le trône, c'est comme moi, je suis sur la chaise. Mais on dit au-dessus du trône. Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Il n'est pas sur lui. Il est au-dessus de lui. C'est la meilleure phrase. Il faut corriger, Inch'Allah Ta'ala, l'aqidah et apprendre à dire les choses yani, correctement, Inch'Allah Ta'ala. Quant à Al-Mutakabbir, c'est l'un des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mutakabbir, c'est l'un des noms d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a plusieurs noms. Hein? Plus de 99, comme vous le savez. L'un de ces noms, c'est quoi? Al-Mutakabbir. C'est quoi Al-Mutakabbir? Mutakabbir, c'est en même temps un nom et le kibriya, car chaque nom a quoi? Chaque nom a, comment on dit en arabe, c'est pas un attribut. Non. C'est quoi l'attribut du nom Mutakabbir? C'est kibriya. Le kibriya, c'est un attribut de l'entité et de l'essence. C'est quelque chose qui ne se sépare jamais de l'Allah subhanahu wa ta'ala, le kibriya. C'est un attribut de l'essence. Et Mutakabbir, c'est un nom. Et qu'est-ce que ça veut dire Mutakabbir, Allah subhanahu wa ta'ala? Pour les êtres humains, c'est haram. C'est haram pour l'être humain d'être Mutakabbir. C'est haram d'être orgueilleux. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, Mutakabbir, c'est-à-dire, il est plus haut qu'il ne fasse, yani, le mal, qu'il ne fasse l'injustice, qu'il ne fasse, yani, des choses que, yani, nous, yani, par exemple, on ne fait pas. Des choses vilaines, etc. Mutakabbir, عن فعل السوء نعم وعن الظلم وعن سيئات et comme ça que dit le sunna ou jama'a dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le mutakabbir. Pour les enfants que Allah subhanahu wa ta'ala les aime comme ils m'ont aimé, je leur donne le conseil de faire des efforts pour apprendre l'arabe dès maintenant. C'est pour ça que toute personne, je l'ai dit, ça fait longtemps, je le répète aujourd'hui, cette phrase. Toute personne qui est une mère ou bien un père par rapport à l'enfant et qui connaît l'arabe et ne lui parle pas en arabe, celle-là, Yom al-Qiyamah, elle aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir privé l'enfant de quoi? De la langue du Coran. La langue de la sunna, la langue du din, la langue du paradis. Naam, quand je suis en France, j'apprends à mon fils le français. Et quand je suis en Allemagne, je lui apprends l'allemand. Quand je suis en Chine, je lui apprends le chinois. Pour qu'il vive, qu'il est parmi ces gens-là, qu'il les comprenne, qu'il sache ce qu'ils disent, etc. Mais sans jamais, naam, délaisser le plus important qui est l'arabe. Ça veut dire que je lui apprends les deux à la fois. La langue du pays où il vit, et l'arabe, c'est très important. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, le couple, hein, l'un des deux, celui qui a l'arabe plus que l'autre, ne doit parler avec ses enfants qu'en arabe. Et l'autre, le conjoint, ne parle avec ses enfants qu'en français. Comme ça, il sortira bilingue, alhamdoulilah, yani dès son enfance. Quand il aura 5 ans, 6 ans, là, il parle les deux langues, mashallah. Mais il y a des frères qui connaissent bien l'arabe, ne parlent jamais l'arabe avec leurs enfants. Et des sœurs qui connaissent bien l'arabe, ne parlent jamais l'arabe avec leurs enfants. Ceux-là, ils auront des comptes à rendre demain devant Allah Ta'ala pour avoir failli à leurs devoirs. نعم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك ان شاء الله تعالى chers enfants نعم faites le possible ان شاء الله تعالى pour apprendre l'arabe et bien sûr en apprenant l'arabe vous allez ouvrir la grande porte qui est celle du Coran نعم un enfant alhamdoulillah doit faire tout son possible pour apprendre le maximum نعم de Coran tant qu'il est jeune. Naam. Pourquoi? À cet âge-là, il a le cœur vide, il a la tête vide. Il ne sait que jouer, il n'a pas de problème. Il n'a pas le divorce, il n'a pas le mariage, il n'a pas le khola. Il n'a pas le ceci, cela. Enfin, il ne pense à rien. Donc, je vais yani, l'occuper en lui faisant apprendre le Coran. Et c'est très facile pour lui quand il est jeune. Il mémorise très vite. Naam. Ce n'est pas comme on le laisse quand il aura 18 ans, 20 ans, 30 ans, ensuite ce sera très difficile. Donc, faites, Inch'Allah Ta'ala, des efforts pour apprendre le Coran. Naam. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala vous aider, naam, et vous ouvrir la porte de la mémorisation du Coran et de l'apprentissage de l'arabe, Ibn-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pour le Hajj, Inch'Allah Ta'ala. Attention, il y a le chat qui vient de rentrer dans la chambre. Hein. S'il va me mordre, je vais crier. Donc, pour le Hajj, Inch'Allah Ta'ala, je dis à cette personne, tu as dit que l'argent, que tu avais était l'argent haram. On va voir. L'argent de haram se divise en deux. Si c'est l'argent de haram qui appartient à quelqu'un, qu'on a escroqué, qu'on a volé, ou cette personne, tu dois lui rendre son argent immédiatement. Mais si c'est l'argent de haram, qu'on a vendu quelque chose de haram, ou bien on a trafiqué quelque chose de haram, ou bien la personne nous l'a donné avec son gré. Comme on a montré une fois que le haram se divisait en deux, les aïni ou les kesbi. Dans ce cas, tu peux, inshallah, faire le hajj avec cet argent, en mettant dans la niya que c'est l'argent qui est bloqué, que c'est l'équivalent de l'argent qui est bloqué. Dans ce cas, si par exemple, tu vas faire le hajj avec 3000 euros, par exemple, donc tu vas mettre dans la niya que tu as dans l'argent bloqué, que tu vas débloquer en 2011 ou 2010, tu as 3000 euros d'argent de haram. Vous avez compris? Car l'argent ne peut pas devenir halal ou haram, c'est comme ça. C'est une feuille, c'est une pièce. Elle n'est ni halal ni haram, comme disent les savants. Là. Reste la dernière question, inshallah ta'ala, pour les 4 jours de Ramadan. Naam. Je dis à cette personne qui sera avec ses parents et qui ne pourra pas jeûner, naam, qui ne pourra pas jeûner pendant les 4 jours, je lui dis, inshallah ta'ala, que si elle voyage assez loin, une distance qui serait plus de 80 km, naam, alors elle mettra dans la niya que quoi? Que elle est en voyage et qu'une personne est en voyage a le droit de ne pas jeûner. Naam. Donc si elle voyage une distance plus ou moins loin, comme je viens de dire, au moins 80 km pour la vie de comme la vie de Ibn Baz rahimahullah, et même moins de cela, moins de 80 km pour certains savants, naam, donc elle met dans la niya que elle n'a pas mangé. Ce n'est pas à cause de ses parents, mais à cause du voyage. Et que quand elle rentrera du voyage après le Ramadan, elle va, inshallah ta'ala, rattraper les 4 jours bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Naam. Abu Marwan, on te donne, inshallah ta'ala, le micro bech tsallam alina, inshallah ta'ala, et on va, inshallah ta'ala, terminer bi'idhnillahi ta'ala. Enlevez-lui le point rouge, inshallah ta'ala. Tfadlal. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez, Inch'Allah? Cheikh, vous m'entendez? Si vous m'entendez, Inch'Allah, écrivez barakallahu fik. Cheikh, avant, Inch'Allah, de vous donner quelques nouvelles, parce que moi, j'étais très, très fréquemment dans votre salon, et ensuite, pendant une période, je n'étais plus là. Et maintenant, alhamdoulilah, quand je peux, je reviens le plus possible. Avant de vous donner quelques nouvelles sur les raisons de pourquoi j'étais plus là, j'aimerais juste revenir sur deux choses que vous avez dit dans les réponses. Dans la réponse sur la langue arabe, que vous avez répété plusieurs fois, quand un parent il connaît la langue arabe, il doit l'apprendre à ses enfants. Ensuite, vous avez dit pourquoi? Parce que c'est la langue du Coran, c'est la langue de la Sunna, c'est la langue de l'islam. Et après, vous avez dit c'est la langue du paradis. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est le fait de dire que la langue arabe est la langue du paradis, est-ce que vous avez dit ça vous parce qu'il y a une divergence chez les savants? Et que votre avis à vous, c'est que c'est la langue du paradis, ou est-ce que c'est par rapport à un hadith qui est faible? Parce que vous m'avez mis un doute sur ça. Ça, c'est la première des choses. Et Inch'Allah, la deuxième des choses, bah, ça me reviendra quand je vais vous donner le micro. Barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum. Alhamdoulilah, tu n'as pas changé. Hein? Toujours avec des remarques à faire. Jazakallahu khairan. Et alhamdoulilah, tu remarques des choses que beaucoup de gens ne remarquent pas. Quand tu as dit ici que, quand j'ai dit que l'arabe c'était la langue du Coran, jusqu'à ce que je sois arrivé, la langue du paradis, tu as fait une bonne remarque en me posant cette question. Car beaucoup vont croire que je voulais dire la langue du paradis, c'est-à-dire la langue qu'on parle dans le paradis. Alors que je n'y pensais pas du tout. Mais je voulais dire par la langue du paradis que c'est la langue qui mène vers le paradis. La langue du paradis. C'est-à-dire la langue qui va t'aider à connaître Allah, son Coran, connaître la Sunna et arriver au paradis. Donc, Jazakallahu khairan pour cette remarque qui est vraiment yani, à sa place. Cette fois, dans la deuxième. Barakallahu fikoum, cher. Excusez-moi hein, de toujours venir fouiller, de chercher dans les questions en profondeur si ceci, si cela, parce que c'est des choses importantes. Ça, c'est une méthodologie qu'un frère Talab al-Aim, quand il m'a enseigné des règles de fiqh, il m'a toujours donné cette chose-là, de toujours aller chercher les conditions. Si c'est d'accord, le père il veut, alors si le beau-père n'est pas, toujours aller chercher le plus loin possible pour connaître les situations. Et pourquoi j'ai bloqué sur la langue du paradis? Parce qu'il y a un hadith qui n'est pas authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit aimer la langue arabe pour trois raisons, parce que c'est la langue du Coran, parce que je suis arabe et parce que c'est la langue du paradis, des habitants du paradis. Et comme il est connu que ce hadith il n'est pas authentique. Et la deuxième des choses que je voulais demander, ah oui, par rapport à ce que vous venez de dire, quand vous avez répondu à la question, la personne, j'ai 4000 euros halal, ils sont bloqués, et j'ai de l'argent haram, est-ce que je peux faire le hajj? Vous lui avez répondu, vous lui avez donné la réponse, alhamdoulilah. Mais moi, je voulais insister sur cette phrase-là, cette chose-là, pour que la personne, elle comprenne bien, Inch'Allah, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que j'ai eu l'impression qu'il y a une manière dans votre réponse qui est un petit peu, qui pourrait ouvrir une ambiguïté. Quand lui, il va aller faire le hajj, là, en 2010, avec l'argent haram, on est d'accord, vous avez bien dit que quand en 2011, je récupère l'argent de la banque, cet argent, je dois m'en débarrasser. Je ne dois pas le garder. Est-ce que c'est ça que vous avez dit, Cheikh? Si tu fais le hajj avec l'argent haram en 2010, lorsque tu récupéreras l'argent qui est halal à la banque, tu ne dois pas le garder. Tu dois t'en débarrasser. Moi, j'aimerais vraiment que vous me répondiez sur ce point-là. Est-ce qu'il doit le garder, cet argent? Quand il récupère de la banque, il sera débloqué, ou est-ce qu'il doit absolument s'en débarrasser? Barakallahu fikoum. Et ensuite, je vous dirai, Inch'Allah, pourquoi, qu'est-ce qui m'est arrivé très rapidement. Barakallahu fikoum. Pour l'argent avec lequel, l'argent avec lequel il va faire le hajj, j'ai dit que cet argent, l'argent ne peut pas être halal ou haram. L'argent, en parlant du métal ou bien de la feuille avec laquelle on construit l'argent, naam. Et que cet argent-là, naam, avec lequel il va faire le hajj, naam, qu'il a maintenant et qui est haram, va devenir halal. Va devenir halal. Pourquoi? Parce que l'argent, la valeur elle-même ne peut pas devenir haram. Alors il va dire, yani, c'est comme si, pour que vous compreniez, hein, c'est comme si j'ai 10 euros dans ma poche et ensuite 10 euros que je n'ai pas encore fait sortir de la banque. Et maintenant, par exemple, les 10 euros qui sont dans, يعني chez moi, par exemple, ils sont haram. Et j'ai 10 euros de halal qui sont cachés dans la banque. Je vais utiliser ces 10 euros qui sont haram, qui sont chez moi ici, en mettant dans la manière que ce sont les 10 qui sont là-bas. Non, qui sont là-bas. Ensuite, les autres, je vais les bloquer là-bas, ils deviennent haram. Donc, quand j'ai dit qu'il va faire le hajj, il va faire le hajj avec l'argent qui est halal. Maintenant, quand il revient, les 4 000 ou les 3 000 là-bas qui sont bloqués, non, on va voir, parce que la personne n'a pas dit de quel haram ça faisait partie. On va voir, est-ce que c'est le haram ni kesbihi ou bien le haram ni dhatihi. Si c'est le haram ni dhatihi, ça reste toujours haram, il doit s'en débarrasser. Si c'est le haram ni kesbihi, comme les intérêts, etc., dans ce cas, ça devient halal pour lui. Parce que les kesbihi, il fait la tawba et l'argent devient halal pour lui. Mais si c'est l'argent volé à quelqu'un ou l'a escroqué ou l'a menti à quelqu'un, il les a pris. Dans ce cas, c'est toujours haram et doit les rendre à son propriétaire. Barakallahu fikoum, cheikh. Dans votre réponse là où j'ai poussé un peu pour avoir des détails, vous avez donné le détail important. Barakallahu fikoum. Et donc pour revenir à moi, inshallah, je vais essayer d'être un peu rapide et de pas trop donner de détails parce que c'est la vie privée et que bon j'essaye de mettre tout ça derrière moi. Mais je vais essayer, inshallah, de vous faire un petit aperçu. Moi, quand j'étais adolescent. Écoutez bien, cher, Inch'Allah, vous me donnerez une faïda. Moi, quand j'étais adolescent, il m'est arrivé une épreuve dans ma vie qui a été très, très, très dure et très, très, très lourde et très, très, très longue. Une épreuve qui, quand elle m'est venue, je savais qu'il va falloir peut-être 10 ans ou 12 ans pour que ce problème il se règle et que ce problème il m'a touché moi, il a touché mon père, il a touché ma mère, il a touché mes frères, il a touché mes sœurs, il a touché toute ma famille et que cette chose-là, même si un jour j'arrive à l'âge de 90 ans, même si je suis très vieux et que je fais le bilan de ma vie, je me souviendrai toujours de cet événement parce qu'il a été dur, il a été difficile, ça a été une épreuve qui m'a marqué beaucoup. Et alhamdoulilah, les années y sont passées et le temps il a passé et on a tous patienté, on a tous mis du sien comme on dit. Et d'ailleurs, c'est suite à cette épreuve-là que moi je suis venu à la religion. Ben, si Allah il m'avait pas éprouvé par cette chose-là, là, je serais encore perdu comme j'étais perdu grandement avant. Et alhamdoulilah, donc ben, les choses elles se sont arrangées, même si ça a mis très très longtemps. Et j'ai alhamdoulilah que j'ai connu l'islam et que ma vie elle a changé, etc. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que comme je vous disais, moi quand j'ai connu votre salon, j'ai connu vos cours, etc., je participais, etc. Moi j'ai aimé ces choses-là et j'étais assidu. Je venais le lundi, le mercredi, le samedi, et je vous embêtais avec mes questions et tout. Et cher, je vais vous dire une chose, peut-être ça c'est une erreur que moi j'ai faite. Moi j'étais persuadé dans mon cœur, c'est pas que j'étais persuadé, mais c'était comme un sentiment dans mon cœur que l'épreuve que j'ai vécue dans le passé, elle était tellement grande, elle a été tellement dure, elle a laissé tellement de conséquences, elle a laissé une marque tellement forte que je me suis dit maintenant dans la vie, ce qui va arriver plus tard dans le futur, je ne pourrai pas vivre quelque chose d'aussi grand que ça. Je pourrais pas avoir une épreuve. Je sais que dans la vie, j'ai eu des épreuves. Par exemple, l'épreuve que j'ai eue dans le passé, c'était puissance 1000. Et après, maintenant, quand j'ai des épreuves dans la vie, puissance 10, puissance 100, puissance 500, je me dis toujours, alhamdoulilah, c'est pas pire que ce que j'ai vécu avant. Donc, dans mon cœur, j'étais persuadé que je pourrais pas avoir quelque chose de pire que ça. Et subhanallah il qu'il m'est arrivé une épreuve, chère, il y a quelques mois. Wallah que si avant c'était la mer à boire, et ben là c'est l'océan à boire. Et l'océan c'est plus dur à boire que la mer. Wallah el-Adim, que j'ai là vraiment aujourd'hui j'ai tiré une leçon que je me suis trompé de ne jamais jamais vivre avec certaines certitudes sur l'avenir, sur le qadar, en pensant que j'étais à l'abri de vivre une épreuve plus grande que ce que j'ai vécu avant. Et wallah que ça m'a. Mais wallah, alhamdoulilah, cher, que quand on vit une épreuve forte et grande et dure en dehors de l'islam et qu'on vit une épreuve grande et dure et longue à l'intérieur de l'islam, alhamdoulilah wallah al-adhim, que ce n'est pas la même chose, même si quand on est à l'intérieur, c'est très difficile. Donc, Cheikh, Inch'Allah, si vous avez Inch'Allah un conseil à me donner, à donner aux frères et aux sœurs, par rapport au fait que quand dans la vie, on vit quelque chose de dur, ou le contraire, quelque chose de bien, un grand bien qui nous vient, et ben après de tomber, starfallah, dans l'autosatisfaction, dans un sens, en se disant « jamais je vais avoir un bien encore plus grand que ça », ou de se dire « jamais dans la vie je vais avoir une épreuve encore plus dure que celle-là ». Et wallah al-adhim que ça m'a ouvert les yeux, et alhamdoulilah, inshallah, qu'Allah il me facilite et il m'aide pour en finir avec ces choses-là qui m'ont empêché de dormir, empêché de manger, empêché de vivre, empêché de travailler, qui m'ont fait perdre mes cheveux, qui m'ont rendu fou. Wallah, cheikh, que si j'étais pas un musulman aujourd'hui, je crois que j'aurais fini dans un asile psychiatrique, à me cogner la tête dans les murs, à prendre des médicaments et à même plus savoir dans quelle planète je me trouve tellement... Alhamdoulilah. Je vous laisse le micro, barakallah, fikoum. En tout cas, ça m'a fait très plaisir que vous m'avez pas oublié, que vous avez demandé après moi et que vous m'avez donné le micro. Et je vous aime pour Allah, Azza wa Jal, très fort, ainsi que les admins, ainsi que les frères et sœurs du salon, ainsi que les musulmans. Et qu'Allah, il nous facilite dans le bien et dans la science. Amin, amin. À vous le micro, barakallah, fikoum, cheikh. Amin, barakallah, fikoum. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et nous aider tous. Et bien sûr, comme vous savez, personne ne sait d'ici une minute qu'est-ce qui va lui arriver. Il est possible qu'il lui arrive un bien, un immense, un grand bien, comme il lui est possible qu'il lui arrive un grand mal, un grand mal. Et dans tous les cas, comme c'est dans le hadith, dans tous les cas, c'est un bien pour le musulman. Si c'est un mal, il patiente, ils sont remis à Allah subhanahu wa ta'ala et ils demandent à Allah ta'ala d'alléger et de le faire sortir de l'épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera s'il est sincère. Si c'est un bien, il doit remercier Allah azza wa jal et demander qu'il ne lui enlève pas cette grâce. Si c'est un mal, je reviens au mal, si c'est un mal, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne donne, ou alhamdoulilah, il y a un hadith en ce sens. Jamais Allah Ta'ala ne donne à une personne une épreuve sans qu'il ne lui donne l'équivalent en quoi? En patience. Alhamdulillah. C'est un hadith qui dit comme ça. C'est une ni'ma. Toute épreuve qui t'arrive dans le mal, tu as l'équivalent de la patience pour yani, contrebalancer et garder l'équilibre dans la balance. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune personne ne peut dire « Classe, moi j'abandonne. C'est l'épreuve plus forte que moi. » Je jette le djilbeb, j'arrête la salade, je vais boire l'alcool. Tout cela, n'auront pas de délit, de preuve demain devant Allah Ta'ala. Car le hadith a dit, quand Allah Ta'ala donne une épreuve, il donne l'équivalent en sa patience. Donc, vous avez remarqué, l'anbiya, les messagers, il leur arrive des fitnas énormes, comme des montagnes, et ils s'en sortent. Les savants, la même chose. Les pieux, la même chose. Et toutes les personnes qui sont sincères, la même chose. Tu es sincère avec Allah, il ne te laissera jamais dans la boue. Tu tombes dans un puits et te fait sortir. Il te fait une épreuve. Tu tombes dans un trou et il te fait la cause pour ressortir. Il te donne une chose comme ça et ensuite, il te met à l'abri. Et comme ça. Donc, dans cette chose, il faut toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et faire des doigts. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna sa'ida la manjouni bad fitan. Il a dit le sa'id, sa'id en français, l'heureux. Il a dit l'heureux, c'est celui qui est à l'abri des fitna. Nous, on fait des doigts pour qu'on soit à l'abri des fitna. Si quelqu'un est à l'abri des fitna, il ne faut pas dire je vais demander à Allah ta'ala qu'il me fasse des fitna pour avoir ma foi. Il doit dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala hadi al-afiyah. Mais si la fitna et l'épreuve arrivent, il doit, inshallah ta'ala, patienter et yani, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et dire je ne suis qu'un serviteur et mon maître commande. Naam, c'est le maître qui commande, c'est lui qui dit, dirige et yani, donne ce qu'il veut et enlève ce qu'il veut. Naam. Donc, c'est ce que je voulais dire, Inch'Allah Ta'ala. Quant à ton absence, on comprend, inchallah ta'ala, quelles sont les causes. Et comme tu sais que, yani, quand quelqu'un t'admine, quoi qu'il lui arrive, nam, normalement, yani, il doit dire qu'il est absent ou qu'il va s'absenter ou qu'il s'est absenté. J'ai été donc contraint d'ajouter des admins car j'étais seul ou alors seulement avec un. C'était difficile quand l'un absenté, il n'y avait pas l'autre. Et moi, je ne savais pas du tout où tu étais. Ah, mais fais mouche Abou Marwan. Et il y a un proverbe qui dit, qui va à la chasse, faire sa place et trouver un autre admin à sa place. Donc, si jamais un des autres admins qui sont maintenant, si jamais il y a un autre qui va aller à la chasse, là, Inch'Allah Ta'ala, il va aussi perdre sa place et tu vas retrouver ta place, Inch'Allah Ta'ala. Là. Donc, pour les chasseurs et les pêcheurs, il faut faire attention. Si quelqu'un veut s'absenter ou là, tout le monde tombe malade, tout le monde s'absente, tout le monde a des fitnas. Sauf qu'ils disent, par exemple, je vais m'absenter une semaine, je vais m'absenter 10 jours, je vais comme ça, pour que je ne me trouve pas tout seul dans le salon à gérer, alors qu'il y a des gens, mashallah, qui veulent, alhamdoulilah, aider, qui veulent être admin, qui veulent, subhanallah, il y a des gens hein, qui sont, mashallah, très anciens avec nous. Il y a, par exemple, je cite ici, Alassane Bilmetal, pas. Attendez, je vais voir s'il est là, cette personne, si elle est là. Attendez. Abrahim 13, dame. L'un des anciens, par exemple, ça fait plus peut-être de 6 ans qu'il est avec nous, mashallah. Dame, dans la Hora, à chaque fois, il assiste avec nous quand il peut. Dame. Attendez, je cherche une soeur, si elle est là, par exemple. Je vais vous dire une soeur très ancienne, si elle est là. Attendez. Hein. Dame, une seconde, parmi les plus anciens ici dans le salon. Dame. Elle n'est pas là, elle était là tout à l'heure. Oummanel. Une soeur, ça fait 5 ou 6 ans qu'elle est avec nous dans le salon, mashallah. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, barakallahu fikoum. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, bi'idhna azza wa jal. Abou Marwan, barakallahu fik pour yani, ce que tu as dit, pour ton intervention. Voilà ce que je voulais dire. Naam. Et inshallah ta'ala, on va se rencontrer très bientôt. Naam. Subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.